M. Neffa, Il ne reste plus que les monstres, de Bruno Massé. Bienvenue à la fin du monde. Bleh! Lança Svet, sa voix moqueuse derrière le masque à gaz. C'est dégueulasse! Sur la table de travail, une douzaine de bouteilles de toutes formes étaient entassées, vides. Bière, vin, soda, la vitre crasseuse, les étiquettes pâlies par le soleil. Le reste du matériel avait été soigneusement étalé à côté. Cannes de café, sacs de plastique, entonnoirs et capsules rouillées. Curieuse, Svet venait de sceller une bouteille et scrutait la mixture visqueuse depuis les verres de son masque. Les flocons de styromousse baignant dans la gazoline, entremêlés de poussière d'aluminium. Elle tapa la vitre du doigt, comme si c'était un aquarium. « Ha ha! Bang! » fit-elle, son rire métallique à travers la valve d'expiration. Quelques mèches de mohawk déferlaient aux côtés de sa tête, entre les sangles, jusqu'à sa nuque rasée. Une camisole reposait lâchement sur ses épaules, usée à la corde, presque transparente. À sa taille pendait un couteau Bowie, le poids de la gigantesque lame tirant sur la corde qui lui servait de ceinture, laissant paraître l'élastique de son slip, l'os de son bassin. Svet n'allait nulle part sans son Bowie. De l'autre côté de la table, Hans remplissait soigneusement une énième bouteille de gasoline avec le bec verseur d'un bidon d'essence, prenant bien soin de ne pas en renverser. Il avait laissé son paletot de cuir sur une chaise, rabattu le capuchon de son coton ouaté et retroussé les manches pour travailler. Le vêtement ne faisait rien pour cacher sa silhouette rachitique, ses clavicules saillantes. Or, ses mains maigres besognaient habilement. Il expira à travers la valve de son masque et rajouta, sarcastiquement, « Ouais, un spécial réchauffement climatique. Personne pourra dire qu'on n'a pas le sens de l'humour. » Hans tendit la bouteille pleine à Svet, puis en entama une autre. Dehors, l'après-midi s'écoulait, paisiblement. Avril, et c'était déjà la canicule. Par la fenêtre aux carreaux éclatés, on pouvait apercevoir le soleil anémique derrière un voile de smog, les taudis de la pointe, les ruines. Puis, là-bas, le canal aux eaux boueuses, le béton, les clôtures électrifiées. Plus loin, les tours d'habitation sécurisées, les tourelles automatisées, les gratte-ciels miroitants du centre-ville et l'épicentre, le monolithe. La pyramide étincelante de l'arcologie. « Ça me fait penser, » commença Svet, « à ce zoo où je suis allée une fois quand j'étais petite. Je me souviens ces singes derrière les barreaux. Il avait l'air pâteau et juste misérable, tu sais. Mais avant que je puisse dire quelque chose, la panique éclate, tout le monde s'emporte et j'entends les macaques lancer des petits cris aigus. Ils sont fâchés, mais on dirait qu'ils se bidonnent aussi en même temps. Paf! Je réalise qu'ils sont en train de tirer leur merde à des gardiens du zoo qui viennent d'entrer dans la cage. T'aurais dû voir la face des gardiens, toi. J'ai eu tellement ri, j'en avais mal au ventre. C'est fou, tout le monde était scandalisé, mais moi, je trouvais ça drôle, tu sais, à cet âge-là. Évidemment, c'était avant que les vraies emmerdes commencent. » Svet déposa une bouteille, ajusta une sangle de son masque à gaz. « Tu trouves pas? » insista-t-elle. « Qu'on est un peu comme des macaques, nous aussi. On est ici. » On n'a rien, puis on tire tout ce qu'on trouve sur les fascistes, les soutes, les flics. On balance n'importe quoi. Notre merde, tiens, et des bouts de pavé, des briques. » Et du napalm, ajouta Hans en pointant les bouteilles sur la table. Exact, acquiesça Svet. Tout ce qu'on peut, parce que ces salauds nous ont mis en cage. C'est pas comme si on pouvait faire autrement, il faut être libre. C'est notre nature, on peut pas s'en empêcher. Puis franchement, c'est amusant. Hans hocha la tête. Il réfléchit un moment entre deux bouteilles et demanda à sa camarade. « Tu sais c'est quoi un auroch ?» Svet haussa les épaules, dubitative. « C'est une espèce de grosse bête poilue. » continua Hans. On a réussi à la domestiquer il y a plusieurs milliers d'années et ça a donné la vache, cette espèce de groupie sur pattes. Puis les aurochs sont morts. L'espèce est disparue comme toute une flopée d'autres. Les animaux qui veulent ou peuvent pas rentrer dans une case de la civilisation, ils s'éteignent. Mais il n'y a que 14 espèces de gros mammifères sur la planète, sur à peu près 130 qu'on a réussi à domestiquer. Les autres, rien à faire. Elles se laissent mourir ou nous sautent à la gorge. L'histoire est pleine de cas comme ça, où, quand tu te soumets pas, tu crèves. Puis il y a la race humaine, où on a réussi, je sais pas comment, à se planter exactement des deux côtés de la cage. Un silence tomba sur l'usine abandonnée, rapidement brisé par l'écho de quelques goélands à l'extérieur. Svet soupira à travers la valve d'expiration. Depuis les vitres du masque à gaz, elle détourna le regard sur la bannière qui séchait au mur, un grand tissu noir effiloché avec un grand A encerclé, puis les lettres peintes, vertes, encore humides. « Bienvenue à la fin du monde. » « J'ai hâte à la manif, » avoua Svet en reprenant la tâche. « Moi aussi, » conclut Hans.